ça s'est passé dans un film à la télé. Et je me suis endormi à la publicité, c'était en anglais. J'ai Amérique aux États-Unis sans prendre de billets. J'ai Amérique aux États-Unis, suis tombé dans le filet. Aux États-Unis.